Continent Science, Stéphane Deligeorge. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours à 14h, en direct de la maison de la radio du studio numéro 1, de la maison ronde, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons descendre dans les profondeurs de la Terre, puisque parmi les scénarios possibles de la naissance de la vie, il en est un, très singulier, très étrange, et même les êtres qui pourraient le partager ou le démontrer sont aussi très étranges. Donc nous allons regarder l'intraterrestre pour savoir s'il est à l'origine de la vie. Et ce prétexte des extraterrestres, des intraterrestres, pardon, vous voyez, j'ai dit les extraterrestres, mais ils seront candidats eux aussi. C'est dans le cadre de notre partenariat annuel, permanent, avec Science et Vie et avec tous ces satellites. Et aujourd'hui, donc, pour ce qui est des sciences de la Terre, et pour essayer de regarder ce qui se passe dans cet intraterrestre, nous sommes en compagnie de Bénédicte Ménez. Elle est au laboratoire de géomicrobiologie à l'IPGP, de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Et puis, et je vais le prononcer avec l'accent tonique, nous sommes en compagnie aussi de Purificación López García, qui, elle, est à l'unité d'écologie systématique et évolution à l'Université de Paris Sud. Et puis, bien sûr, avec le rédacteur en chef de Science et Vie, et donc nous allons parler du numéro qui va être en vente ce mois de décembre, avec justement les questions de ces intraterrestres, de ces curiosités profondes. Mais tout de suite, allez, respectons la chronique, notre tradition, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les pigeons. Oui, les pigeons. Et cela pour une raison tout à fait inattendue, en tout cas quasi inconnue pour les profanes, je suppose. On sait bien sûr que les mammifères se distinguent des autres animaux, notamment par l'allaitement. Les femelles nourrissent les petits avec le lait qu'elles produisent. Et cette classification n'est pas aussi stricte qu'on le pense, car d'autres genres ou types d'animaux fabriquent également du lait. C'est le cas de certains oiseaux. Ainsi, les flamants roses, les manchots empereurs, les grands ceux d'Antarctique, et les pigeons. Chez ces derniers, Megan Gillespie et ses collègues d'Australie ont étudié la physiologie et les bases génétiques de cette lactation. La substance est produite dans le jabot, un renflement de l'œsophage des oiseaux par des cellules dites épithéliales qu'ils tapissent. À mesure que les cellules sont produites et s'éloignent de la couche de base de l'épithélium, elles se transforment pour devenir, au final, du lait de jabot. Cette substance, dont la fabrication est simulée par l'hormone prolactine, se distingue du lait des mammifères par l'absence de glucides. En revanche, elle est très riche en protéines, 60% du poids sec, et en lipides, 40% du poids sec. Autre différence également très étonnante, le lait de jabot est aussi produit par les mâles et autant que par les femelles. Chez les pigeons, les parents le régurgitent pour nourrir les oisillons environ pendant 18 jours. Pour découvrir les modalités de la production, les biologistes ont comparé les jabots de pigeons allaitants et ceux d'oiseaux non allaitants. Dans le premier cas, l'organe plus volumineux et plus épais était orné de deux lobes latéraux qui contiennent le lait. De plus, ces cellules épithéliales sont plus nombreuses et forment des couches repliées, ce qui évidemment, géométriquement, est une manière d'augmenter leur surface et donc d'augmenter la production du lait. Ainsi donc, les laits des oiseaux et des mammifères remplissent des fonctions que nous dirons analogues pour nourrir leurs petits et sont produits selon des mécanismes évidemment très différents. À nouveau, je peux que répéter cette espèce d'aphorisme permanent, ce leitmotiv. Nouvel exemple que l'évolution a plus d'un tour dans sa pérenne inventivité. Bonjour Bénédicte Ménez. Bonjour. Bonjour, je vais le prononcer avec l'accent tonique, je vais essayer, je m'applique. Bonjour, Purificación. Merci, bonjour. López García. Très bien, bonjour. À la suite, je ne sais pas comment faire, est-ce que je dirais purification ? Vous, on vous appelle tout simplement Puri, mais moi je trouve ça vilain qu'on vous appelle comme ça, alors je dirais peut-être purification. Vous m'appelez comme vous voulez. Bon, très bien. Bonjour, collègue Hervé Poirier. Bonjour Stéphane. Rédacteur et partenaire, rédacteur en chef de Sciences et Vie, partenaire des émissions de sciences de France Culture. Alors, numéro du 11e mois de l'année, le mois de novembre, avec un dossier très original, et je dois dire, je dois avouer, je vais vous laisser le dire lequel d'ailleurs, mais je dis simplement qu'il m'a mis le cafard. Alors, qu'est-ce que vous avez mis au sommaire de ce numéro avec ce grand dossier très détaillé? Eh bien, dans le cadre de la préparation des esprits à la COP21, qui dans un mois va occuper tous les espaces médiatiques. Oui, ben ça a déjà commencé. Enfin, ça a déjà commencé. Oui. Nous avons fait le tour de la France. Nous avons fait le tour de la France pour voir très concrètement, en pratique, comment le réchauffement dans la deuxième partie du 21e siècle va et a déjà commencé à transformer les paysages, à transformer les traditions et donc à transformer les métiers et la façon de vivre de l'ensemble des Français. Donc on a été rencontrer 170 spécialistes de bien sûr de la climatologie, mais aussi de l'océanographie, de l'agronomie, de la résistance des matériaux, de tous des les microbiologistes, des microbiologistes, pour la ainsi de suite, oui. Absolument. Et donc, de tout cela, nous avons sorti une 66 histoires très singulières qui montrent à quel point la France et ses traditions va être face à l'exigence de l'adaptation. Oui. Alors, il peut y avoir un côté catastrophiste, comme tu le soulignes, Stéphane. Il y a clairement des endroits où il va falloir faire des gros défis, il y a des gros investissements pour s'adapter. Par exemple, dans le Bordelais, le vin bordelais, par exemple, dans les skis alpins. Mais il y a aussi des opportunités, car il va y avoir des opportunités pour l'agriculture, des opportunités pour la pêche. Et c'est ce paysage en mutation que nous avons essayé de dépeindre dans ce grand dossier de 80-90 pages qui donc est disponible pour le mois de novembre. Voilà. Et alors, effectivement, il y a des situations de... Bon, effectivement, bon, des situations d'adaptation. Mais, à l'évidence, ça montre que... prenons un exemple très familier, évidemment, des Français, les terroirs viticoles, de la vigne en Bretagne... Bon, on sait qu'il fut un temps où la vigne poussait au sud de l'Angleterre. Bien. Et puis après, c'était évidemment le territoire du Champagne qui était le plus septentrional d'Europe. Mais là, c'est étrange. Le pays du cidre, d'un seul coup, on va faire pousser du Bernet, du Cabernet, ainsi de suite. Bref, ça m'a un peu donné le cafard, mais peut-être que je deviens franchement vieux, non ? Le monde s'en va. Les Bordelais ont de vraies raisons et se donnent des vrais moyens de réflexion, oui, par rapport à leurs cépages qui sont particulièrement sensibles à la température. Mais les fabricants de champagne sont beaucoup moins inquiets. En Bourgogne aussi, il existe des solutions, vu qu'il y a une diversité de cépages et que la température sera moins, le différentiel de température sera peut-être moins marqué. Et c'est vrai que pour l'Anjou, pour la Bretagne, des opportunités de faire des grands vins, car la température va être assez optimale, s'ouvrent. Donc, le principal point de crise pour le vin, ça va être le Bordelais, qui est quand même le plus gros exportateur français. Donc c'est un défi économique absolument majeur que les chercheurs sont en train de prendre vraiment à bras-le-corps, parce que les conséquences du réchauffement sont d'ores et déjà visibles sur les vendanges actuelles. Alors moi j'ai pris prétexte, dans cette circonstance, Hervé Poirier, pour choisir l'un de vos thèmes. C'est un article qui est court, qui est un article d'actualisation ou d'actualité, mais qui est en plein dans notre sujet d'aujourd'hui, ce qui fait que je suis monté à rebours. Vous m'avez passé le précédent, qui date de 2013, où là vous aviez fait un dossier complet sur ce qu'est la possible scénario d'une naissance dans l'intra-intérêt de la vie. Alors, avant de faire parler nos deux spécialistes, c'est quand même extraordinaire, on va avoir un petit moment d'exaltation, on va dire d'exaltation scientifico-heuristique, mais tiens, la vie qui pourrait venir du fond de la Terre. Le sujet en lui-même est absolument fantasmatique. Nous allons toujours chercher... Fantasmatique, vous dites, carrément. La vie se limite à une fine pellicule, c'est-à-dire la surface, une quinzaine de mètres sous la surface, une centaine de mètres au-dessus, et l'ensemble des océans. Et quand on cherchait la vie, on regardait évidemment vers les étoiles, vers les extraterrestres. Et depuis quelques décennies ou une dizaine d'années, je laisserai les spécialistes le préciser dans l'approche historique, c'est en regardant sous nos pieds que l'on se rend compte qu'il y a les premières preuves d'une autre genre de vie que celle que l'on connaît, la vie terrestre. Car quand on parle de la vie terrestre, on parle de la vie sur Terre. Là, c'est une vie totalement différente que dans laquelle nous allons plonger dans cette émission, sur la découverte des intraterrestres que l'on aura découvert finalement avant les extraterrestres. Alors, les choses commencent d'une certaine façon, par des forages. Là, je me tourne vers vous, Bénédicte Ménez. Ça commence par des forages profonds qui, d'un seul coup, ont révélé des choses. Alors, ça commence en particulier avec un forage qui s'est tenu aux USA, des sédiments fluviaux, on va dire, puisque c'était sous le fleuve Savannah. Alors effectivement, pour accéder à ces centaines de mètres qu'on a sous les pieds, toute cette roche dure qu'on pensait inanimée, une des seules voies, c'est d'aller creuser. Et donc du coup, soit par le biais de l'industrie pétrolière dans ses voies d'exploration, soit des vrais forages scientifiques dédiés. Et initialement, ils n'étaient pas dédiés à la microbiologie parce que c'était beaucoup plus le domaine des géologues, de l'exploration des sciences de la Terre. Et puis petit à petit, trouvant des preuves de cette présence de vie, les biologistes on rejoint l'aventure et font partie maintenant intégrante de l'ensemble de ces grandes campagnes de forage océanique. Alors je suis Bodor, d'ailleurs vous travaillez sur trois sites qu'on signalera tout à l'heure, Bénédicte Ménez, mais je suis Bodor que quand on voit apparaître un sujet de ce type, parce qu'effectivement à l'IPGP c'est des spécialistes des magmas, c'est des spécialistes des tremblements de terre, ainsi de suite, et là d'un seul coup c'est d'une originalité telle que... je suis absolument persuadé que, généralement les scientifiques sont des passionnés de leur matière, mais là, dans ce cas-là, c'est peut-être encore plus passionnant, non, d'une certaine façon. Je vais vous donner une réponse un peu biaisée, parce que c'est effectivement ce qui nous anime chaque jour. Donc, mais oui, effectivement, c'est à la fois, pour quelqu'un qui est curieux, de l'étonnement assez permanent. Oui, donc vous partagez aussi, de façon directe, puisque vous êtes dans l'observation et l'expérimentation et l'analyse, mais vous partagez évidemment avec nous le fait de se dire que ça pourrait venir du fond de la Terre. Alors, Purificación López García, à l'ordinaire, il y avait deux scénarios connus, qui continuaient de travailler, en particulier pour tous ceux qui travaillent en exobiologie. Chronologiquement, ça commence avec un certain Stanley, de son prénom, c'est bien ça? Stanley Miller, oui. Vous parlez de scénario de l'origine de la vie. Oui. Il y a bien sûr différentes variantes, beaucoup d'hypothèses, mais toutes peuvent se ramener à, disons, deux grands types de modèles. Un qui est le plus classique, qui correspond à une origine de la vie dans des conditions froides, plutôt en surface, dans des espèces de mares de surface, océaniques ou peut-être pas, mais à la surface de la Terre, où on va avoir la production de la matière organique bien localement par l'action des rayonnements ultraviolets, des orages, des orages électriques par exemple, et aussi par l'apport de la matière météoritique, et tout cela contribuerait à créer une espèce de soupe primitive riche en composés organiques à partir de laquelle on va former les premiers s'organisent, les premières protocellules, à travers les interactions des différents composés organiques, la formation des cycles autocatalytiques et ainsi de suite. Et on aurait la formation de premières protocellules dans ces milieux-là. L'idée d'un monde ARN, par exemple, s'encadre très bien dans ce type de système. Il faut expliquer, ARN, c'est donc, en tout cas chez les prokaryotes, voire évidemment bien sûr les eucaryotes, le grand transcripteur, c'est-à-dire qu'il y a la base qui est donc les molécules d'ADN, et voilà qu'interagit l'ARN qui va devenir une traductrice pour aller vite et qui va produire les protéines. Oui, l'ARN a captivé une partie des hypothèses de l'origine de la vie par sa double capacité à porter de l'information. Donc elle est une molécule porteuse d'information comme l'ADN, mais elle est à la fois une molécule qui est capable de réaliser certaines activités catalytiques, donc qui est fonctionnelle, soit par la structure, soit vraiment par un type d'activité catalytique. Alors retenons bien que catalytique, ça veut dire simplement que c'est un accélérateur de réactions chimiques. Chaque fois qu'il y a une catalyse, c'est un formidable moyen énergétique d'aller plus vite dans une réaction chimique. En effet, c'est nécessaire aux vivants aussi, puisqu'il faut aller très vite dans les processus du métabolisme. Oui, tout à fait. Et donc, dans les années 60 et par la suite, la molécule d'ARN a été centrale à un nombre d'hypothèses qui, elles, s'encadrent toutes dans ce courant de pensée d'une origine froide, hétérotrophe, c'est-à-dire basée sur la matière organique et préexistante, et à cette courante a contribué l'expérience des Stanley Miller, à laquelle vous avez fait référence, et qui a pu montrer que dans une expérimentation dans une espèce de bulle de verre, les composantes supposées former l'atmosphère primitive, c'est-à-dire une série de gaz réduits, et en appliquant des décharges électriques, au bout d'un certain temps, il s'est formé des composantes organiques, dont des acides aminés et beaucoup d'autres composantes. Donc ça donnait une véracité à ce type d'hypothèse d'origine de la vie basée sur une formation initiale abiotique de la matière organique. Alors face à ces courants plus traditionnels, à partir des années 70, avec la découverte des sources hydrothermales sous-marines et après avec la découverte de la vie en subsurface, évidemment, on a assisté à la formation de d'autres modèles pour l'origine de la vie qui proposent que la vie s'est formée à haute température et que les premiers organismes vivants seraient des autotrophes, c'est-à-dire des organismes qui tireraient leur énergie des réactions d'oxydoréduction des éléments minéraux et donc pas nécessairement organiques. Oui, insistons un petit peu d'ailleurs sur cette idée d'autotrophe par rapport à hétérotrophe, puisque là on est d'une certaine façon avec, on le verra dans le détail sur d'autres objets, sur d'autres matériels, mais un vivant autotrophe, c'est quelqu'un, si je puis dire, ou en tout cas c'est un organisme qui ne mange pas ce qu'ont produit les autres. C'est-à-dire qu'il est carrément, il émane. Là, par exemple, il se nourrit, on le verra dans les sources hydrothermales, il y a des organismes vivants qui se nourrissent de métaux, de choses très étranges. Alors là, ça va de méthane, enfin de choses. Et ils se nourrissent de ça. Et après arrivent les hétérotrophes qui, eux, croquent, évidemment, ceux qui ont fait cette matière première. Ainsi, évidemment, les vaches sont, pour prendre un exemple vraiment trivial, des hétérotrophes puisqu'elles mangent l'herbe qui, elle-même, est aussi... en revanche, celle-ci, l'herbe, a mangé simplement des choses qui n'étaient pas quelque chose que les autres avaient produit. Oui, on parle des productions primaires. Donc, il y a deux types d'organismes sur Terre qui font la production primaire. Les organismes photosynthétiques qui utilisent l'énergie lumineuse pour fixer les CO2 et faire de la matière organique. Et les organismes chimiotrophes, on peut dire, comme ceux de profondeur, et qui utilisent des réactions redox, donc d'oxydoréduction des composés purement minéraux, pour tirer de l'énergie et fixer les CO2 pour fabriquer leur propre matière organique. Donc, ce deux types de producteurs primaires qui sont à la base des chaînes trophiques qui peuvent être très complexes par la suite. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge. Alors, pour compléter, là encore, la description, restons un instant sur l'exobiologie pour faire contraste. On a de plus en plus trouvé, venant de l'espace, ou en tout cas dans l'espace, voire dans des météorites, des molécules organiques. On en a trouvé de plus en plus d'ailleurs, parce que les premières qu'on a trouvées, on a été très étonnés que se forme quelque part quelque chose qui est absolument des briques du vivant, nécessaire, absolument nécessaire. Oui, donc en effet, on sait aujourd'hui que la synthèse de la matière organique est assez banale dans l'univers. Hein. On connaît la formation des composés organiques dans les météorites, dans les comètes, et on ne voit que des exemples qui se rajoutent petit à petit. Donc, ce qui fait que l'origine de la matière organique n'est pas égale à l'origine de la vie. Donc, elle est une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante. Et donc, on en est toujours à nous poser des questions sur comment la vie a pu apparaître à partir peut-être d'une matière organique préformée, qu'on appelle prébiotique. Mais on se pose moins des questions, en tout cas fondamentales, sur l'origine de cette matière organique qui peut avoir des sources très différentes, que ce soit dans l'espace extérieur, que ce soit sur Terre ou dans les profondeurs de la Terre. Oui, on va y venir, donc, dans les profondeurs de la Terre. Et peut-être qu'il faut aussi faire une autre chronologie, je me tourne vers vous cette fois, Bénédicte Ménez, pour rappeler, grosso modo, on peut dire à la louche, si je puis me permettre, que la naissance de la vie, c'est autour de 3,8 milliards d'années. Et avant, il y a des péripéties terribles. En particulier, il y a la formation de l'eau liquide, et puis aussi un bombardement d'objets célestes, absolument terrible, grosso modo aux alentours, cette fois, de 3,9 milliards d'années, qui fait qu'on peut imaginer même que tout, sous cet effet de choc et d'énergie dégagée, les océans auraient pu s'évaporer. Alors, on ne peut pas dater précisément l'émergence de la vie. C'est parmi les preuves qu'on a de l'existence de formes qu'on pense être associées à des formes de vie. On a effectivement des dates comme 3,8, 3,9 qui reviennent parce que les gens ont pu faire la démonstration soit de la présence de molécules organiques dont ils pouvaient attribuer une origine biologique ou de ce qu'on appelle d'objets bactériomorphes, des choses qui ressemblent à des bactéries piégés dans la roche et dont on peut essayer de mettre, de prouver que ce sont des fossiles biologiques, cellulaires. Et effectivement, à cette époque-là, depuis que la Terre s'était formée et différenciée, il y a quelque chose dont on est sûr, c'est que la surface de la Terre était très inhospitalière en termes d'irradiation et d'exposition au vent solaire, etc., avec effectivement tout ce bombardement de météorites qui la rendait particulièrement peu hospitalière, voilà, on va dire ce mot-là. Alors, toute petite parenthèse, c'est une petite incise concernant donc une sorte d'essaimage par des molécules de nature carbonée qui sont intéressantes donc pour la chimie du carbone et donc du prébiotique. Certains ont l'objection suivante en disant bon, ça peut tomber du ciel, mais ça serait tellement dispersif dans l'immensité de l'océan que de toute façon ça pourrait pas se retrouver. Hein. Donc ça pourrait pas s'accoler pour faire des assemblages qui pourraient finir par. Hein, c'est une petite objection, je la ferme, cette parenthèse, et je me retourne vers vous à nouveau. On peut peut-être fixer les choses parce que ça va nous permettre là de rentrer dans deux hypothèses que vous défendez. Pour donner une définition du vivant, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas si c'est le bon ordre, vous le mettrez dans le bon ordre, hein, parce que c'est compliqué de savoir qui a commencé, quel est l'œuf et la poule dans l'affaire. Hein. Mais il faut obligatoirement qu'on ait des êtres qui soient auto-répliquants, et qui soient évidemment, qui donc forment une clôture avec l'extérieur, donc dotés d'une membrane. Et il faut évidemment que à l'intérieur, ils aient quelque chose qui soit un mécanisme de production de l'énergie, ce qui est le jeu ou l'enjeu habituel du métabolisme. Oui. Et il faut aussi, qu'est-ce qu'il faut comme troisième élément Vous avez nommé trois éléments déjà. Donc il y a deux propriétés qui sont essentielles. D'abord, une propriété qu'on va appeler celle du métabolisme, c'est-à-dire la capacité de transformer la matière et l'énergie, parce que pour s'auto-répliquer, tout simplement, il faut de la matière, il faut de l'énergie. Donc c'est indissociable de la capacité de se répliquer. Mais en plus de ça, pour que l'évolution au sens darwinien du terme puisse avoir lieu, on a besoin d'un compartiment, c'est-à-dire de séparer des individus du soi, du non-soi, et pour que la sélection naturelle puisse agir sur des variantes chimiques à la base et les sélectionner, c'est-à-dire par élimination des variantes moins performantes. C'est ça le sens de l'évolution darwinienne. Hein. Oui. Et donc il faut de la réplication pour donner des variantes sur lesquelles la sélection naturelle va pouvoir agir. Et pour pouvoir faire ça, il faut des entités qui soient individualisées et ce qui est aujourd'hui, et vraisemblablement ça a été comme ça au départ, réalisé à travers une membrane en enclos qui sépare le soi du non-soi. Et j'irai au-delà, aujourd'hui les membranes ont un rôle essentiel puisque toute l'énergétique cellulaire se base sur essentiellement l'établissement d'un gradient de protons à travers de la membrane qu'on va exploiter pour tirer de l'énergie et pour fabriquer notre monnaie universelle de l'énergie qui est l'ATP. Et donc l'association très étroite entre le métabolisme et les membranes actuelles témoigne probablement d'une association très forte dès le départ, d'une coévolution de ces systèmes métaboliques avec le système de membrane. Alors ATP, donc évidemment, c'est l'énergie. On la retrouve d'ailleurs formée par photosynthèse dans les plantes. Hein. C'est une espèce de petite assurance d'énergie ou en tout cas de concentration d'énergie qui vont aider à la vie. Et puis vous avez parlé de ces neutrons qui rentrent à travers les membranes. Donc là, il faut, là encore, il faut pas voir que la clôture, la membrane, ce qui fait le soi du non-soi, comme vous l'avez dit, il faut les imaginer extrêmement actives, ou en tout cas possiblement passables. Mais en même temps, ce sont des frontières qui doivent être aussi hermétiquement fermées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux. Donc il faut présenter parfois une clé. Et la serrure veut bien s'ouvrir, hein. Oui, on parle des membranes semi-perméables. Et donc effectivement, il y a des diffusions, des pétitions, des protons, etc. Mais il y a des complexes moléculaires aujourd'hui dans des cellules actuelles qui permettent, de manière sélective, de faire passer tel ou tel type de composé. Alors là, je vais, avant notre petite respiration médicale, pour faire image là encore, pour montrer l'étrangeté avant de passer au processus et de regarder la serpentinisation, l'ai-je bien prononcé là aussi ? Tout à fait. Bon, merci. De faire image. Par exemple, lors de forage, je crois, on remonte des organismes, des micro-organismes qui ont 450 000 ans et qui sont inertes. Et puis on les laisse un certain temps dans l'eau et elles revivent. On peut imaginer que à 1000 mètres sous le plateau océanique vivent des êtres. Avec la pression qu'il doit y avoir à cet endroit, ils ne peuvent avoir qu'une croissance d'une lenteur extrême. C'est en tout cas ce qui est dit dans vos spécialités, n'est-ce pas ? Donc, c'est là encore, je mets ça en perspective, c'est-à-dire que la vie, d'une certaine façon là, a une espèce d'insistance incroyable et qu'elle peut continuer sous une forme rudimentaire à se développer dans les milieux les plus extrêmes, les plus hostiles. Qui veut répondre, faire un petit commentaire ? Il y a beaucoup de notions là-dessus, mais évidemment une partie des micro-organismes qui vivent en subsurface correspondent à des micro-organismes qui sont piégés dans les sédiments et qui s'enfoncent petit à petit avec l'accumulation des sédiments au-dessus. Ce sont des organismes qui sont en partie en voie vers une mort qui est la diagenèse, c'est-à-dire le travail de cycle géologique pour transformer cette matière, ces sédiments profonds qui s'enfuient et faire de la roche, ça va s'effondre, ça fera des nouvelles roches. Évidemment, si dans ce processus, les organismes d'enfouissement, les organismes trouvent encore des conditions qui leur permettent de se développer, ils vont pouvoir le faire. Mais normalement, on trouve un métabolisme qui est au ralenti et des conditions de viabilité qui sont de plus en plus réduites. À côté de cela, il y a des micro-organismes dans certaines régions de la subsurface qui sont spécifiquement à vivre dans ces conditions-là, oui. qui sont adaptées et qui, eux, même si on leur proposait de vivre en surface, ils préféreraient vivre en profondeur. C'est ça, c'est les amateurs de la pression forte. C'est les amateurs de la pression forte. Il y a quand même une limite, et c'est la limite de la température. Oui. La vie peut résister. Disons que les organismes les plus thermophiles connus peuvent vivre à des températures optimales aux alentours de 105-110 degrés, maximales jusqu'à 120 degrés environ, sous des pressions, etc. On ne connaît pas des organismes, on les a cherchés, on les a pas trouvés, qui vivent au-delà et qui puissent résister à des températures au-delà des 120 degrés. 120 degrés, donc la pression n'est pas tant un problème comme la température. Quand on s'enfonce dans la subsurface, on va avoir des températures de plus en plus élevées. À un moment donné, les molécules vont se dénaturer, la vie ne pourra plus exister. Monsieur le rédacteur en chef, un commentaire, une expectative, un étonnement à ce point-là? Ben moi, c'est la découverte de l'autre, c'est-à-dire de molécules qui ont une vie, une histoire et une façon de gérer l'énergie et le temps tellement différentes de celles qu'on connaît. Donc on est encore un peu dans la stupéfaction de la découverte d'un nouveau monde dont on ne connaît pas les lois, de nouveaux écosystèmes, même de nouvelles relations entre les organismes. C'est ce sujet, pour l'instant, pour moi, il n'est source que de stupéfaction permanente. Une cellule vieille de 450 000 ans qui ne faisait que dormir et qu'on réveille telle une princesse au bois dormant. Enfin, nous sommes totalement dans la découverte de la radicale altérité. Voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous du Continent Science, entièrement dévolu à l'intraterrestre, à nos investigations dans le profond du profond de la Terre, et toujours en compagnie de Bénédicte Ménez, de Purificación López García. Je vais y arriver, peut-être. Vous avez vu, je progresse un petit peu. Et Hervé Poirier, qui est bien sûr notre partenaire et notre invité aujourd'hui. On peut peut-être... dès à présent, regardez, puisqu'on peut avoir deux exemples. Le premier exemple, c'est comment peut se faire la fermeture, l'organisation de cette membrane séparatrice. Et là, vous donnez l'exemple, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, pour l'efficacité de López García, concernant donc les molécules qu'on appelle amphiphiles. Les molécules sont, elles peuvent avoir des polarités très très étranges, des propriétés très étranges. Il y en a qui adorent l'eau, il y en a au contraire qui détestent l'eau, qui la fuient. Et vous avez travaillé sur celles-ci, mais elles sont bifaces. Oui, effectivement, les membranes biologiques, hein, celles qui composent toutes nos cellules et celles qui composent les cellules des organismes qui vivent dans la subsurface, hein, sont composées de molécules qu'on appelle amphiphiles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont une tête polaire, c'est-à-dire une tête qui aime l'eau, hydrophile, et une queue hydrophobe, c'est-à-dire qui déteste l'eau. Oui. Et la propriété intéressante de ces molécules est que, en concentration suffisante dans un milieu aqueux, elles vont constituer de manière spontanée des vésicules en formant des bicouches. Elles s'ordonnent spatialement dans l'espace pour former une couche autour d'une goutte de milieu. Et donc, ça fait de manière presque instantanée des protocellules ou des possibles protocellules parce que cet espace qui est encapsulé par ces membranes composées par des molécules amphiphiles est intéressante d'un point de vue d'origine de la vie parce que ces structures peuvent constituer autant des micro-réacteurs chimiques dans lesquels plein de choses intéressantes, des réactions, des concentrations des différents composés organiques ont lieu et ont pu donner naissance à toute une évolution chimique qui a conduit par la suite à une évolution biologique. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces systèmes hydrothermaux profonds et dans la subsurface, à travers les réactions des serpentinisations, dont on va peut-être parler un peu plus tard en détail. On va en parler tout de suite même. Eh bien, on a la formation des molécules assez longues, linéaires, des carbones, qui peuvent devenir des amphiphiles en oxydant une partie de la molécule. Donc, c'est une source potentielle des précurseurs pour former ces protomembranes des toutes premières cellules qu'on puisse imaginer. C'est une idée incroyable, c'est une malice là, hein, parce que d'avoir pensé à ça. On a pensé, c'est la nature qui l'a fait après les choses. Oui, c'est la nature qui l'a fait, mais c'est quand même vous qui avez eu la malice heuristique, si je puis dire, de regarder ce genre de chimie et de oui, c'est ça, c'est un type. En fait, il y a pas mal de recherches dans les domaines orientés de différentes manières, mais il y a beaucoup de chercheurs, notamment aux États-Unis, l'équipe de Jacques Chostak, par exemple, prix Nobel, qui travaille spécifiquement sur des molécules diverses, entre autres de l'ARN, qui peuvent encapsider dans des vésicules d'amphiphiles. Donc il y a des recherches spécifiques qui se font sur ça. Oui, en France, ça a été initié, mais là, du point de vue de la physique, on ne sait plus Guy si c'est de la physique. En France. Oui, et par Pierre-Gilles de Gênes, et aussi, puisqu'il s'est intéressé, évidemment, aux bulles de savon, ainsi de suite, et puis après ça a pu continuer, où on voit qu'on peut structurer de manière particulière alors ça c'est un autre travail appliqué, où on voit qu'on peut, selon la structure de certains vers, deviennent absolument repoussants et transforment par exemple la pluie en gouttes qui rebondissent et qui ne s'écrasent pas et ne coulent pas sur les pare-brises des voitures. Alors, on peut maintenant peut-être donner une autre idée, Bénédicte Ménez, c'est qu'il y a deux grands axes, il y a les forages, on en a dit quelques mots, et puis il y a cette découverte, on en a dit aussi quelques mots, de ces sources hydrothermales très profondes, hein, souvent, et qui sont vers des zones où, en tout cas, sort le magma avec une température très élevée et qui, d'un seul coup, ont montré, mais de façon absolument hallucinante, qu'il y avait des oasis de vie, des vers qui avaient eux-mêmes à l'intérieur des cyanobactéries bizarroïdes qui étaient hétérotrophes. Il y avait même des mollusques tout blancs, évidemment, parce que de la coloration dans ces profondeurs, il n'y a pas du tout de lumière. On a découvert, en particulier dans les cheminées, des choses incroyables. Oui, effectivement, c'est des zones le long de régions à la surface du globe qu'on appelle les rides médio-océaniques. Ce sont des endroits où les plaques se forment par des apports de magma. Et en fait, ce sont des zones où on a énormément d'échanges de matière et de chaleur. Et donc, on a ces fluides très profonds qui vont, cette eau de mer qui percole dans cette croûte néoformée, qui vont un petit peu lessiver les roches, se charger en éléments pour le vivant qui seront des éléments nutritifs. Percole, ça veut dire utilise toutes les porosités pour pénétrer. Toute la fracturation de cette. On imagine ce magma chaud qui pénètre au fond des océans, qui est froid, et donc ça se craquelle. On a aussi, par le biais de la tectonique des plaques, de la fracturation qui se fait, des longues failles transformantes. On fond la roche. Qui nous font des cheminements pour ces fluides qui vont s'enfouir dans les premiers kilomètres et donc lessiver cette roche, être échauffée au contact soit des magmas ou des champs magmatiques qui sont présentes en profondeur, et puis comme ce sont des fluides moins denses, ils vont remonter et émerger au fond des océans au niveau de ce qu'on appelle des sites hydrothermaux, des sources hydrothermales qu'on retrouve aussi à terre quand on a cette circulation de fluide, et donc apporter à cette interface entre l'océan très oxydé ces choses très très réduites en termes de fer, de soufre, et qui sont finalement pour le vivant une aubaine, puisque le vivant aime les gradients, le vivant va chercher de l'énergie, et donc une des sources d'énergie c'est différente entre ces fluides très réduits qui sortent et cette eau de mer très oxygénée, et donc du coup ça en fait des endroits où la vie prolifère, non pas parce qu'elle tire son énergie de la photosynthèse, et puisque l'eau, la lumière ne pénètre plus, puisqu'on est à quelques kilomètres au fond des océans, mais pas d'ATP. Par toute cette, on a de l'ATP, il en faut, puisque c'est notre solaire, fuel. J'entends. Mais l'ATP est formé, cette conversion d'énergie, elle se fait à partir d'un monde minéral essentiellement. Oui. Serpentine, qu'est-ce à dire alors ? Qu'est-ce que c'est que cette roche incroyable qui fait des réactions chimiques tout à fait passionnantes, hein, parce qu'on a besoin de quoi encore ? Et qu'est-ce que va apporter cette serpentine que vous regardez de si près et vous regardez de plus en plus finement dans votre laboratoire aussi sur le terrain ? La serpentine n'est autre que ces roches du manteau terrestre qui ont été transformées par cette circulation d'eau. Donc à partir le manteau terrestre, on imagine qu'il n'est pas fait pour être au fond des océans. C'est la partie très réduite de la Terre. Et à partir du moment où l'eau de mer va circuler, elle va oxyder des minéraux qui sont chargés en fer de plus, par exemple. Et spontanément, on va avoir des réactions d'oxydoréduction et nos péridotites, qui sont essentiellement les roches du manteau terrestre, vont être transformées en serpentine. Et cette serpentine, elle est intéressante parce que lors de cette conversion minérale se fait aussi potentiellement une réduction de ce carbone inorganique vers un carbone organique, notamment parce qu'on a dans cette réaction de la production très locale d'hydrogène. On réduit de l'eau puisqu'on oxyde des minéraux du manteau, et par cette réduction de l'eau on a localement des zones très très réduites qui, si elles sont mises en présence d'un carbone comme du CO2, soit qui vient de l'eau de mer, soit qui vient du dégazage de notre terre, il va spontanément être transformé en molécules organiques, ces fameuses dont Puri parlait tout à l'heure, qui ont peut-être ensemencé la Terre par les impacts météoritiques, mais aussi qui sont naturellement produites par la circulation hydrothermale en profondeur. Et alors, ce qui est intéressant à explorer actuellement, c'est toute la diversité de ces molécules-là et l'ensemble leur complexité, pour essayer de voir effectivement si on ne peut pas tendre vers des molécules amphiphiles, ces fameuses qui pourraient faire des membranes. Et puis aussi, la serpentine, elles ont un avantage parce que elles offrent aussi à toute cette évolution organique des membranes qui sont minérales. La serpentine, ce sont des minéraux aussi beaucoup argileux avec des doubles feuillets dans lesquels on a des échanges de protons, des échanges pour équilibrer les charges, et donc du coup la capacité aussi d'avoir, de par ces réactions, des supports solides pour échanger entre deux compartiments, et donc localement avoir des endroits très différenciés. Serpentine, c'est parce que ça a l'apparence d'un serpent vert et que ça a des écailles, c'est ça. C'est voilà, c'est typiquement la serpentine est une roche striée d'un vert écailleux, effectivement, parce que comme la réaction se fait au travers de la circulation d'eau par les fractures, et que les fractures finalement elles compartimentent un petit peu la roche. Du coup, ça donne un aspect vraiment lézard serpent à toutes ces roches. Alors, dans une conversation préalable à cette émission avec vous, Purificación López García, je m'étais largement trompé en disant oui mais c'est peut-être plus intéressant d'avoir. Alors il y a une classification, il y a les fumeurs noirs, très chauds, et puis surtout noirs, et puis il y a les fumeurs blancs, dont s'occupe en particulier Bénédicte Ménez. Et on peut retenir l'idée que, quelle est la plus haute température à laquelle puisse se développer à nouveau? Je repose cette question, mais quelle est la température? Je vous ai dit, ça marche pas dans les fumeurs noirs, ça marche très bien dans les fumeurs blancs. Vous m'avez dit pas du tout. Non, bon, je précise, les fumeurs noirs sont des fumeurs où, effectivement, c'est des sources hydrothermales sous-marines à laquelle les fluides qui sortent sont des très hautes températures et très chargés en composés réduits et qui, quand ils rencontrent l'eau de mer, qui est très oxygéné, va produire, il va y avoir une précipitation des sulfures notamment qui vont donner ce côté, cet aspect noir. Et les fluides, ces fluides des fumeurs noirs sont très très chauds, ils peuvent atteindre 300, même 400 degrés. C'est ça. C'est l'échelle juste, à peu près, hein, 300 à 400 degrés, c'est et juste là, au bord du magma. Quoi. Effectivement, d'accord. La vie ne peut pas exister à ces températures-là. Mais l'eau de mer, elle est à cette profondeur-là actuellement, à 2 à 4 degrés. Et donc, il y a un gradient très très fort et très rapide de température entre la sortie du fluide et l'eau de mer qui, à proximité, a n'a que de 2 degrés. Donc en quelques centimètres, on a tout un gradient des températures entre 400 et 2 degrés. Et donc avec toutes les possibilités en décolonisation des organismes qui sont adaptés à très basse température et à plus haute température. Les fumeurs blancs, quant à eux, vont avoir des températures plus basses. Et donc la vie pourrait effectivement se développer à ces températures plus basses qui peuvent aller de quelques degrés au-dessus de la température de l'eau de mer, par exemple, jusqu'à 70 et plus. D'accord. Donc on a toute une panoplie de températures qui permettent la diversité, la prolifération d'organismes adaptés à vivre à toutes ces températures intermédiaires. Alors il faut que j'avoue que je me suis fait reprendre gestuellement par Bénédicte Ménez, qui lorsque j'ai dit là encore que à la sortie du magma ça pouvait faire 300 degrés, elle m'a dit pas du tout avec son doigt. Donc. Parce que la roche fondue, il faut plutôt penser en termes de 1000 degrés. Là c'est vraiment l'eau qui circule et qui est réchauffée par sa proximité avec ce magma, mais on n'est pas à toucher le magma. Effectivement, c'est toujours de l'eau qui est à ces températures-là, autour de 300-400 degrés. Est-ce que, dès à présent, vous pouvez partager l'une et l'autre une phrase et donc lui donner votre assentiment, une phrase qui est écrite dans l'article du journaliste qui s'appelle Siama, qui a d'ailleurs écrit les deux articles, le grand dossier et celui de ce mois-ci, et qui dit que, d'une certaine façon, c'est un des écosystèmes gigantesques, inconnu, mais prodigieusement grand. Oui, cela est vrai parce que cela concerne l'ensemble de la surface de la Terre, qu'elle soit continentale ou océanique. Donc il ça faut... fait beaucoup, hein, 70% de la surface, c'est les océans, et puis la surface terrestre, c'est le reste. Hein. Mais c'est l'ensemble, c'est aussi les continents, en subsurface des continents, oui. On a aussi une vie souterraine qui s'étend peut-être sur plusieurs kilomètres. Par contre, la densité de ces communautés, elle est relativement faible et beaucoup des organismes présents dans ces sédiments enfouis, dans ces sols profonds, et ne sont plus actifs. Ils sont peut-être encore viables, mais ils ne sont plus dans les conditions originales où ils se sont développés et ils se sont enfouis. Donc une partie de ces microbiotas, de ces organismes-là, ne vont plus jamais pouvoir se reproduire. Il y a un mélange de ça et des organismes qui vraiment se développent à l'intérieur parce qu'ils dépendent de certaines conditions de profondeur qui sont très locales. Là, oui. C'est vrai, quand on parle d'étendue de la vie, il faut toujours avoir dans l'idée que, effectivement, on a cette barrière de la température, mais la vie pourra jamais plus être plus active que ce qu'on lui permet. Et effectivement, si on est limité en sources de carbone et d'énergie, alors il ne faudra pas envisager avoir une prolifération. On est dans des milieux très limités, justement, pour avoir du vivant, il faut du carbone, il faut du phosphore, il faut de l'azote pour créer toutes ces molécules qui permettent effectivement le métabolisme. Si ça, c'est pas renouvelé, par la circulation de fluides en profondeur ou par des réactions chimiques, alors du coup, le vivant va être là et va stagner en attendant des jours meilleurs, tout en essayant effectivement de se préserver d'une manière ou d'une autre. Mais le temps a un petit peu un concept qu'on n'a pas forcément en surface, avec cette spontanéité de réaction par la photosynthèse effectivement, on met toujours en balance le temps des géologues et celui des biologistes. Peut-être que dans la subsurface, on va vers quelque chose où on va réaccorder un petit peu nos violons en termes de notions de temps, qui sera peut-être pas si différent que ça. On va refaire les échelles géologiques avec les paramètres apportés par les biologistes. Là encore, je vous sollicite pour un petit commentaire, cher Hervé Poirier. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que les intraterrestres vont peut-être nous aider à découvrir les extraterrestres. C'est-à-dire qu'on a fait un seul trou dans une planète. L'homme a fait un seul trou, c'est 64 mm sur Mars, il y a 2 ans. Oui. Le robot Curiosity. 64 mm, c'est sûrement pas suffisant pour aller voir s'il y a des intramartiens. Mais selon François Forget, par exemple, considère aujourd'hui que la principale justification de voyage des hommes vers des autres planètes, c'est pour y faire des forages profonds, parce que les machines auront beaucoup de mal à les faire elles-mêmes, et que les techniques de forage, donc les intraterrestres, les intramartiens, les intra-encéladiens, les intra-titaniens, c'est-à-dire une vie potentielle à l'intérieur des planètes de notre système solaire, sont sans doute une des bonnes justifications aujourd'hui pour continuer l'exploration de notre système solaire. Alors malheureusement, ça chemine lentement vers la fin de cette émission, mais reste une question pendante, c'est-à-dire que là, jusqu'ici, il s'agit d'unicellulaires. Est-ce qu'il y a des pluricellulaires agrégés? Il s'agit strictement de prokaryotes. S'agit-il même de prokaryotes, là, vous voyez? Et donc, y a une suite du scénario, c'est-à-dire qu'après... vous parlez par exemple d'archées. Les archées sont quand même des très étranges dans la classification du vivant. Elles font rien comme les autres, hein. Elles font quand même vraiment rien comme les autres, d'une certaine façon, hein. Bon. Du point de vue de leur métabolisme, ainsi de suite, les archées sont quand même le troisième ordre, hein, grand ordre, à côté des bactéries. Et les troisièmes m'échappent. Les eucaryotes. Et donc, les eucaryotes, oui, pardon. On a trois domaines les eucaryotes avec noyaux. Voilà. Oui, effectivement. Alors, les archées, c'est le troisième domaine du vivant. Tout comme les bactéries, elles sont des organismes prokaryotes, c'est-à-dire elles n'ont pas un noyau qui sépare le matériel génétique du reste de la cellule. Mm-hmm. Et tout comme les bactéries, elles ont des propriétés métaboliques très intéressantes, parce que beaucoup d'entre elles sont autotrophes et sont capables de fixer le carbone inorganique en utilisant ce type de réaction redox. Les archées sont aussi connues, on les a découvertes à partir de la fin des années 70. Elles sont aussi connues par leur facilité à s'adapter à des environnements extrêmes. Tous les records d'hyperthermophilie sont battus par les archées. Oui, on les appelait les extrémophiles, hein, longtemps. Oui, hein. Elles ne sont pas nécessairement toutes extrémophiles, mais elles ont une propension à s'adapter facilement à ces environnements extrêmes, hein, que ce soit par la température, par le pH très bas ou très acide et très haut ou très alcalin, à la salinité, hein, ils sont capables de vivre dans des conditions de sel en saturation. Donc elles sont peut-être en relation avec leurs membranes qui sont très particulières, hein, une facilité pour s'adapter à ce type de milieu. Alors juste pour rêver, Bénédicte Ménez, quand est-ce que vous repartez, vous quittez l'IPGP à Jussieu et vous repartez du côté de la Nouvelle-Calédonie pour aller regarder un joli fumeur blanc qui est à 50 mètres de profond dans, je crois que c'est la petite péninsule de... C'est la baie de Prony, effectivement, au sud de la Nouvelle-Calédonie, alors qui nous donne effectivement un bel exemple d'émission de ces molécules très réduites qui nourrissent les archées méthanogènes qui sont dans lesquelles qui sont des environnements moment où ces archées qui produisent du méthane à partir de CO2 et d'hydrogène se prolifèrent et sont des objets intéressants. Et puis avant ça, il y a l'expédition sur le massif Atlantis, est un des premiers endroits où on a trouvé effectivement ces fumeurs qui émettaient énormément de molécules organiques et d'hydrogène et qui ont un petit peu modifié beaucoup de conceptions dans la communauté et de concepts autour de l'émergence de la vie sur Mars, puisque Mars héberge des serpentines. Et donc du coup, où on a effectivement cette ouverture vers des roches qui nous font un passage du monde inorganique à un monde organique et pourquoi pas à un monde du vivant. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite 1000 aventures scientifiques avec les budgets qui vont, souhaitons-le, puisque c'est quand même une interrogation parmi les plus belles qui soient, comment a pu naître la vie, et là, cette fois, il faut descendre dans les tréfonds. Voilà, c'était Continent Science, merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Aujourd'hui, Jean-Guylaine Neige qui était aux manettes, Thierry Beauchamp, pardon, à la documentation, je me trompe, Dany Journeau à la réalisation, Stéphane Deligeorge, comme vous le savez, Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous avez une grande année pour le faire.